Non, je ne trouve point d'état plus malheureux que d'avoir un patron jeune et fort amoureux. Bonjour. Bonjour. Où tend Mascarille à cette heure? Que fait-il? Revient-il? Va-t-il? Ou s'il demeure? Non, je ne reviens pas, car je n'ai pas été. Je ne vais pas aussi, car je suis arrêté. Et ne demeure point, car tout de ce pas même, je prétends m'en aller. La rigueur est extrême. Doucement, Mascarille. Ah, monsieur, serviteur! Vous nous fuyez bien vite, et quoi? Vous fais-je peur? Je ne crois pas cela de votre courtoisie. Touche! Nous n'avons plus sujet de jalousie. Nous devenons amis. Et mes feux que j'éteins laissent la place libre à vos heureux desseins. Plût à Dieu. Gros René, c'est qu'ailleurs je me jette. Sans doute, et je te cède aussi la marinette. Passons sur ce point-là. Notre rivalité n'est pas pour en venir à grande extrémité. Mais est-ce un coup bien sûr que votre seigneurie soit désenamourée ou si c'est raillerie? J'ai su qu'en ses amours ton maître était trop bien. Et je serais un fou de prétendre plus rien aux secrètes faveurs que lui fait cette belle. Certes, vous me plaisez avec cette nouvelle. Outre qu'en nos projets, je vous craignais un peu, vous tirez sagement votre épingle du jeu. Oui, vous avez bien fait de quitter une place où l'on vous caressait pour la seule grimace. Et mille fois, sachant tout ce qui se passait, j'ai plaint le faux espoir dont on vous repaissait. On offense un brave homme alors que l'on l'abuse. Mais d'où, diantre, après tout, avez-vous su la ruse? Car cet engagement mutuel de leur foi n'eut pour témoin la nuit que deux autres et moi. Et l'on croit jusqu'ici la chaîne fort secrète qui rend de nos amants la flamme satisfaite. Et que dis-tu? Je dis que je suis interdit. Et ne sais pas, monsieur, qui peut vous avoir dit que sous ce faux semblant qui trompe tout le monde, en vous trompant aussi, leur ardeur sans seconde d'un secret mariage a serré le lien. Vous en avez menti. Monsieur, je le veux bien. Vous êtes un coquin. D'accord. Et cette audace mériterait 100 coups de bâton sur la place. Vous avez tout pouvoir. Oh, gros René. Monsieur. Je démence un discours dont je n'ai que trop peur. Tu penses fuir? Nelly. Quoi? Lucille est la femme? Non, monsieur, je raillais. Ah, vous raillez. Infâme. Non, je ne raillais point. Il est donc vrai? Non, pas, je ne dis pas cela. Que dis-tu donc? Hélas, je ne dis rien de peur de mal parler. Assure, ou si c'est chose vraie, ou si c'est imposture. C'est ce qu'il vous plaira, je ne suis point ici pour vous rien contester. Veux-tu dire? Voici, sans marchander, de quoi te délier la langue. Elle ira faire encore quelque sotte harangue. Et de grâce, plutôt, si vous le trouvez bon, donnez-moi vitement quelques coups de bâton et me laissez tirer mes chausses sans murmure. Tu mourras! Ou je veux que la vérité pure s'exprime par ta bouche. Hélas, je la dirai. Mais peut-être, monsieur, que je vous fâcherai. Parle! Mais prends bien garde à ce que tu vas faire. À ma juste fureur, rien ne peut te soustraire si tu mens d'un seul mot en ce que tu diras. J'y consens. Rompez-moi les jambes et les bras. Faites-moi pis encore. Tuez-moi si j'impose en tout ce que j'ai dit ici la moindre chose. Ce mariage est vrai? Ma langue, en cet endroit, a fait un pas de clair dont elle s'aperçoit. Mais enfin, cette affaire est comme vous la dites. Et c'est après 5 jours de nocturne visite, tandis que vous serviez à mieux couvrir leur jeu, que depuis avant-hier, ils sont joints de ce nœud. Et Lucille, depuis, fait encore moins paraître le violent amour qu'elle porte à mon maître. Si, malgré mes serments, vous doutez de ma foi, gros René peut venir une nuit avec moi, et je lui ferai voir, étant en sentinelle, que nous avons dans l'ombre un libre accès chez elle. Honte-toi de mes yeux! Marron! Et de grand cœur, c'est ce que je demande, comme ils vous ont tous deux avalé cette fable. Quel coup il m'a porté, le bourreau détestable. Je vois trop d'apparence à tout ce qu'il m'a dit. Et ce qu'a fait Valère, en voyant cet écrit, marque bien leur concert. Et que c'est une beille qui sert sans doute au feu dont l'ingrate le paye.